Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cindy. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Cindy. C'est maintenant sur Skyrock. Eh oui, c'est maintenant, c'est parti. Bonsoir, bienvenue, comment ça va Cindy? Ça va très bien, merci, et toi? En pleine forme? Oui. Quatrième soirée, on est à moins de 24 heures de la sortie. C'est beaucoup moins, puisque bon, en digital, il est disponible à minuit. Là, ce soir, quoi, à minuit, donc... minuit une, vous pouvez avoir l'album. Exactement. Il suffit d'aller cliquer tout de suite le précommander, ou alors demain matin au réveil, hop. Voilà. Dans les magasins Moi, aussi. Je conseille en général aux gens de l'acheter en physique et en digital. Parce que comme ça, tu peux l'écouter partout et à la fois, tu gardes le mat. Tu vois, bien sûr. Bien sûr. Laisse-moi faire mon business. Vas-y, fais ton business. Oui, il faut prendre les deux en fait. C'est exactement ça. Voilà. Moi, c'est ce que je fais par contre pour de vrai. Parce que toi, tu aimes bien aussi avoir l'objet. Il y a l'objet, les photos, les textes qui sont dedans. C'est concret quoi. Des petits mots aussi, des petites dédicaces. Exactement, il y a un peu de tout dans mon album. Qu'on ne retrouve qu'en physique, puisqu'en digital, c'est pas possible. C'est ça. Il y a juste le son. Bon, ce soir, des invités, je vois qu'ils sont en train de s'installer. Oui. Bonsoir. On les présente dans un instant. C'est parti. Et on attaque d'abord avec le premier morceau. Allez, on s'envoie. On s'envoie. On s'envole. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'envole. On s'envole. C'est allez, s'envoler. On vous présente les invités de Cindy juste après. L'album sort demain. S'est ressurgi et tous ses démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. Juste quelques heures. C'est Cindy et l'album qui arrive demain. Selfie. Ça y est, c'est fait. Tu peux plus rien faire, tu peux pas revenir en arrière, tu veux rien changer. C'est trop tard. Mais déjà, depuis un moment, on pouvait plus rien changer quand il est parti en fabrication. Donc voilà. Mais t'es fière? Oui, je suis. C'est pas prétentieux, mais je suis fière du travail qu'on a accompli, parce qu'on est une équipe. Et je pense que, enfin, moi en tout cas, je trouve que mon album est bon. Les gens à qui j'ai eu la chance de pouvoir le faire écouter l'ont trouvé bon aussi. Donc allez l'acheter demain. Tiens, dites-nous d'ailleurs avec le hashtag Cindy sur Skyrock les morceaux que vous avez écoutés. On en passera encore d'autres ce soir. Il y aura un titre inédit peut-être ce soir. Un titre inédit, oui, qui s'appelle Des risques. Et voilà, je pense que c'est le titre le plus urbain de mon album. Et je pense que, comme je l'ai tweeté là, à l'instant, ça va en surprendre quelques-uns. Mais voilà. Bon, on découvrira. Il y aura du live et on peut présenter donc les invités qui sont autour de la table d'Abattu. Ouais. On commence par qui? Bah, Sienna. Ah bah. Honneur aux filles. Bah oui, honneur. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Bonsoir. Sienna qui est en train de tout cartonner sur les différentes routes de France, les différentes routes de festivals. Ça va bien, Sienna? Ça va, merci. En pleine forme? Ouais, en pleine forme. Merci Cindy de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors pourquoi Sienna est là avec nous? Parce que c'est une fille qui fait de la musique. Et parce qu'elle kick. Parce qu'elle est trop forte et moi j'ai adoré son EP, donc voilà, je tenais vraiment à l'inviter. Merci. Tu l'as découvert pareil sur le net? En fait, j'ai découvert sur Facebook avec ton freestyle Passe la télécommande, je sais plus comment il s'appelle, voilà. Et j'avais kiffé grave et ensuite j'ai vu que tu avais fait un EP. À partir de là, je t'ai suivi, je l'ai acheté, je l'ai écouté et voilà. T'as vu son périple dans le monde entier aussi avec ses différents freestyles un peu partout? Ouais, j'ai vu. Et avec Sopra aussi, c'est vraiment cool. Merci. Et bah, bienvenue, Sienna. Dans l'émission, on continue le tour de table. Cindy, je te laisse présenter. Oui. Nous avons avec nous un humoriste. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Plus qu'un ça, la question. Alors que le mec, en plus, ce spectacle est fini. C'est en tournée un petit peu quelques dates encore. Non, tournage d'un film, donc on se calme sur le spectacle, mais il reprend en octobre. Très bon spectacle. Est-ce que tu as été le voir en spectacle, Cindy? Pas encore, puisqu'il ne m'a pas invité. Parce que c'est une crevarde, elle n'a pas envie pas de payer sa tout. Place. Moi, je suis venu, j'ai payé. C'est un mytho. C'est un mytho. Très cher. Il est venu, je vois Testo Fred, vas-y, viens, en plus, la dernière passe et tout, machin, il est venu. Je suis venu la dernière à Paris, c'est vachement bien. Ah, bah, merci. Mais tu m'as pas entendu rire? C'est toi le bruit du porcelet, c'est ça qui va mal, c'était moi. Bon, tout va bien, Wally? Ça va, écoute. Extraordinaire, hein? Ouais. Extraordinaire. Bah, moi, mais alors pourquoi est-il là par sketch. Contre bah, parce que c'est quelqu'un qui a pas de maison, parce que c'est bon. Pourquoi il est là? Parce que j'avais envie d'inviter aussi pas spécialement que des chanteurs ou rappeurs, et parce que j'aime bien ce qu'il fait et il te fait sympa. Rire. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour te faire rire, Cindy? Être drôle déjà pour commencer. Ouais, parce que c'est la base. Mais c'est logique. Sinon, c'est logique. Ça se tient ce qu'elle dit. Pour l'instant, ça se tient. Faut avoir un humour un peu comment? Un peu beauf. Donc tu es un gros beauf. Nous on est là, on vend des saucisses sur le comptoir. Wally, une petite blague, c'est des trucs. C'est horrible ça. Des trucs horribles. Allez, fais-nous une petite blague, fais-nous rire. Bah, tiens, c'est l'histoire d'une pute et d'un lapin. Non, ça marche pas, vas-y, laisse tomber. Le spectacle est beaucoup mieux. Ouais. Je tiens à vous rassurer. Je ferai un plein d'être un peu pour mon spectacle. Ça reprend bientôt. Ça reprend en octobre à Paris et après en 2016 dans toute la France. Incroyable. Tout la France. Donc allez voir Wally, les places s'arrachent déjà, il faut les prendre maintenant. Ouais, c'est ouvert en plus la billetterie. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour un album et tout. Arrête de parler du spectacle. Est-ce que tu fais un album aussi, c'est non, ça? Mais non, pas le. Ouais, je fais un album tout en autotune, c'est comme ça pendant une heure. Il sait qu'il kick quand même, hein, lui. Hein. Mais j'en doute pas, mais peut-être interviendra-t-il. Attention, le rap français. Attention. Méfiez-vous, tout à l'heure, le rap français pourra trembler. Ah oui. Wally nous lâchera comment? Un 16, un 32, un 18, un 8,5. Un 8,5. Un 8,5, c'est parce que j'ai pas fini de l'écrire. Donc nous lâchera un 8,5 à ne pas louper tout à l'heure dans l'émission. Ouais, avec plaisir. Et bien, bienvenue Wally aussi. Merci beaucoup. Nous avons à nos côtés également. Ah, nous retardataires, comme d'habitude. Ouais, mais je suis assez étonné parce que d'habitude, c'est. Tu regrettes ta vie. En plus, t'es arrivé à 20h pile, donc je me suis dit, bon, il est encore un peu à l'ancien horaire, mais ça va. Bien. Ah, il est là. Bon, alors, ça, pas la peine de demander pourquoi il est là. Bah parce non, que parce que la famille. Hein. Il fait partie de l'aventure. C'est ça. Ouais. La Team BS. Exactement, ouais. Team BS. Mais Team BS, pour lui, c'est fini, hein. Ouais, pour lui, ouais, apparemment, c'est fini. Bah, apparemment, ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. J'ai quitté le groupe. C'est fini le CDD. Ouais, arrête de dire que t'as quitté le groupe. J'ai quitté le groupe. On a décidé d'arrêter. Ouais, on a décidé, ouais. Fababi, comment ça va? Ouais, ça va, cool. Et en pleine forme? Ouais, ça va, cool. Tu es content de retrouver Cindy? Ouais. On se parle au téléphone, t'inquiète. Ouais. Ouais, on est resté. T'as fait écouter son album ou t'as pas fait? J'ai écouté quelques titres. Parce que sous le temps, on avait pas écouté. Hein. J'ai écouté quelques titres. Moi, je suis passé au studio, j'ai entendu quelques titres. D'accord, donc toi, tu as le droit de. Ouais, parce que moi, je suis le pote à Cindy, tu vois. C'est pas trop notre pote. Il traîne avec nous, mais on le calcule pas trop, tu vois. Du grand Fababi, quoi. Voilà, Fababi en pleine forme. Fababi qui bosse aussi sur son album, là. Dur. Ouais, de ouf. Se présente bien. Ouais, mais là, venons, on parle de l'album de Cindy. Bon, c'était juste un petit mot comme ça. C'est ouais, sympa, cool. Mes invités. Hein. À chaque fois que tu leur poses des questions sur leur projet, ils veulent parler que répondre. Toi. Bah, vas-y, parle alors. Petite description de l'album, vas-y, on t'écoute. Bah, Selfie, en fait, c'est un album qui montre bien son côté narcissique. Vu qu'elle aime bien se prendre en photo. Et puis voilà. Pourquoi Selfie? Faire mousser parce que... mon ego. Voilà. À la base, il devait s'appeler moi. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais que c'était un peu trop. Non, et puis Selfie, c'est bien. C'est le truc. Non, vous voulez l'appeler Cindy à la base. La plus belle. Non, vous l'appeler Cindy la plus belle d'Instagram. J'ai dit calme-toi au bout d'un moment. Cindy, j'ai le plus de likes. Ouais, c'est ça en fait. Elle a dit j'ai plus de likes que Sultan. Bon, bah, bienvenue à vous tous. Sienna, ça va pour l'instant? Ça va. Tranquille, hein, c'est bon, tu le dis. Il y a pas mal avec Fababi, avec Wally. Non, ça va être agité, je pense, ce soir. Et moi, on rigole. Quel morceau mettons maintenant, Cindy? Juste avant qu'on mette un morceau, j'aimerais bien rappeler qu'il y a toujours un concours Skyrock qui est en jeu. Donc. Ah! N'oubliez bah, pas d'envoyer. Vos... Oui, voilà, Fababi. Tu peux envoyer un snap au snap de Skyrock. Donc, c'est Skyrock-du-bas FM. Donc, t'envoies un snap avec un selfie un peu. Une mise en scène. Ouais, un truc un peu sympa quand même, pas juste comme ça là. Et si jamais t'es sélectionné, tu gagnes mon album dédicacé. Et ça vaut pour mais tout le monde. Il connaît de lui un album. Ouais, mais t'as vu, elle a fait un selfie. Appelle mon Zincou, il va te donner. Donne-lui. Non. Wally, tiens, au lieu de faire le malin, si tu veux faire un selfie maintenant, allez, ce serait quoi? Quelle mise en scène? Quelle mise en scène tu nous fais? Il y a des enfants. Ah, c'est une vidéo. C'est une vidéo ou une photo? Je peux pas faire. Préciser. Selfie, c'est quoi? Ouais, mais même si tu te prends comme ça, ça reste une vidéo, ça reste un selfie. Bah oui. Allez, hop. Vidéo maintenant. Selfie photo. Ah voilà. Selfie photo. Selfie photo Snapchat. Allez-y, vous balancez tous ça. Et n'oubliez pas vérifier. Le hashtag. Mais moi j'ai un vieux téléphone, mon Snapchat il va s'ouvrir vendredi matin. Bah, demain matin, ça va, c'est top. Mais ouais, attends, t'es comédien, tu passes à la télé, tout ça. Bah ouais, on est des Arabes. Au bout d'un moment, on travaille pour des Arabes. Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas d'argent, il n'y a que de l'image. Pour l'instant, c'est une phase comme ça, quoi. Voilà, c'est une phase compliquée. Ça ira mieux dans 10-15 ans. C'est un téléphone en location. Voilà, c'est ça en fait. Qui a éteint la lumière? Je sais pas. Qui a pas payé l'électricité? C'est ici en fait. Skyrock en été ou quoi? Oh, ça envoie des pics. Pas du tout. Non, j'engraine. On veut les comptes. On veut les comptes. Les comptes arrivent. Avant ça, on met un morceau? Allez, c'est parti. Lequel? Tu en as choisi un? Sans rancune? Oui, on s'en va sans rancune. Allez, premier single. C'est parti avec la fin. Avec Cindy sur Skyrock, l'album sort demain et je vous aime. Mais ça vaut la peine. Moi aussi, je vous aime. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. J'ai tout ça tatoué. Et la vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah. On peut décrocher la lune, l'impossible est plus encore. Même si je dis sans aucune, j'envoie tout dans le décor. J'ai pas peur d'être blessé, mon présent, mon passé. J'ai tout ça tatoué. Yeah. La vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. De choses à l'intérieur que je n'ai pas su montrer. Un jour tu ris, un jour t'as peur. J'apprends à surmonter. La vie, elle a tout pour plaire. Si t'avances sans laisser tomber, moi aussi je connais la galère, mais je vais pas succomber. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. Tu dis qu'on rêve, mais ça vaut la peine. On veut éloigné du quartier jusqu'à ce que le rap me délivre. Donné avec le cœur, on n'apprend pas ça dans les livres. Avec passion, chante ma génération. On finira tous aveugles avec la loi du talion. Silencieux, j'entends mes soeurs qui prient encore. Car dehors, on t'accuse, accusateur. Ici, l'espoir vaut de l'or. Quand l'échec est mis à mise à mort. Mise à mort. Donc ce morceau qui s'appelle Sans Rancune. C'est super, c'est qui chante? Alors Cindy, que je te présente ici même. C'est un malade ce mec hein. Ah, avec un jeune garçon qui s'appelle La Fouine. Ah j'adore ça, j'adore les animaux. La Fouine, la belette. Toutes sortes de bêtes. Ce soir avec nous, donc vous l'entendez, il est là, il est chaud comme jamais. Il est prêt à dégainer de la vanne à tout vin. Toujours. Et peut-être même un freestyle. Tout. Freestyle des pizzas, des grecs, je fais tout. Qui sait. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec le One Jeffrey. Ça paye plus le One hein. Ouais, je suis obligé, frère. Je suis obligé, je vends des bouteilles d'eau, là, à Rivoli. Spectacle arrêté, ouais. 1€, s'il vous plaît, bouteille d'eau. Ouais, donc, Walidia est là avec nous. Siana aussi, qui est là aussi avec nous. Exactement. Pardon, Siana. Cindy, qui... Siana, ça va être un peu, je pense. Ouais. Cindy, Siana. Vous êtes fatigué, vous appelez mort. Robert et Gérard. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Et Jean-Louis, qui est là aussi. Jean-Louis Baby. Jean-Louis Baby. Bien, Jean-Louis Baby. Tout à fait. Fababy, un petit mot quand même, toi, sur Cindy, que tu connais peut-être mieux que nous tous réunis. Sur la façon dont elle a évolué, quand tu l'as vu arriver justement au sein de la Team BS, et maintenant cet album que tu as écouté aussi en partie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? La vérité ou la vérité. Un mensonge? La vérité. La vérité. Au début, quand je l'ai connue, je la connaissais pas. Tu vois? Bah c'est normal. C'est voilà. Je l'ai connue. C'est-à-dire, à l'arrivée, Lonnie m'a dit, j'ai signé quelqu'un. Elle est lourde, tout ça, et moi tu connais les trucs de télé-réalité, ouais, tout ça. C'est pas ton truc. De la télé-réalité. Ouais, c'est la ça même. Non, je te jure, ça n'a rien à voir, vraiment. Mais moi je t'aime beaucoup, Cindy. Ouais, mais. Ça veut dire. J'ai bon, en tout cas, les trucs de télé. D'accord, voilà, ça va partir en couille, frère, ça va partir en couille. On a bien fait d'arrêter ce groupe Team BS, parce que sinon, je pense que ça voit les soirs. C'est un engraîneur, lui. Bon, alors continuons. Donc, après, je me suis dit, vas-y. Donc là, on y dit ça encore. Vas-y, tu vois, tu connais, grand, barbu, tout ça. Après, j'ai dit, vas-y, je vais écouter. Et après, on était agréablement surpris parce qu'elle était archi forte, tu vois. Et elle avait un peu du tempérament, tu vois. Et nous, on aime bien les gens comme ça. Elle est venue, on a essayé de la bolosser, mais ça n'a pas marché. T'as capté ou pas? Ça veut dire, moi, insultant, on s'est mis dans ça veut dire qu'elle t'a mis des coups de pression aussi. Non, elle a mis des coups de pression insultant. Après, moi, j'ai rien dit, tu vois. Pourquoi tu mens? Tu te rappelles quand t'as tapé insultant? Oui, mais est-ce que tu te rappelles quand on s'est engueulé nous deux? Ouais. Il est pas là, c'est pas sympa à chaque fois. Non, c'est pas vrai, on l'a pas tapé. Pourquoi tu l'as tapé? C'est ça qu'on va savoir. Non, elle a juste balayé et je sais pas. Elle a balayé normalement. Au moment où elle a écrasé ta tête, je dis non, c'est une demain, on tourne un clip. Eh, c'est mon morceau! Non, c'est déjà pris la tête, moi, Cindy, plein de fois. C'est vrai? Ouais, mais ça reste en coulisses, tu connais. Ouais, mais après, ça arrive aussi en même temps. C'est une prise de tête, c'est genre comme un frère et une sœur, tu vois, ça dure une heure après. Un frère, mais pourquoi t'as mangé tous les yaourts? Pourquoi t'as mangé tous les yaourts? Il restait qu'un yaourt à la nana, tu l'as mangé, je suis dégoûté, sale bâtard! C'était du tiède, c'était encore pire! Non, mais ouais, il y a eu. Bah, après, c'est normal que dans un groupe, parfois, ça se frite aussi, c'est. Non, mais là, du tempérament, elle est. Elle est énergique. Et donc pour revenir sur cette qualité, peut-être ses qualités artistiques, toi qui je te disais qu'il a connu dès le début. Plein, elle est déterminée. Est-ce que tu trouves que cet album lui ressemble? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est abouti? J'ai écouté, pour pas te mentir, 2-3 titres. Ça veut dire que je peux pas faire un jugement sur un truc. Mais je sais que l'album, il est très très bien travaillé. Moi j'ai eu des retours des personnes qui ont bossé avec elle. Et vas-y, on m'a dit elle a pas dormi, tu vois. De toute façon, moi je sais que c'est une bosseuse. Pendant 300 jours. Non, c'est non, vrai, c'est une bosseuse, tu vois. Je dis pas ça parce que je la connais et tout. En mode, on veut vendre un produit pété. Oui, c'est un bête d'album et tout et tout. Mais en tout cas, elle a bien travaillé. Je sais pas qui me touche, mais vas-y, tranquille. Mais qu'est-ce qui. Je sais pas. Skyrock, c'est devenu bizarre. Au bout d'un moment, c'est pas clair. C'est devenu bizarre, ça. Non, mais toi, tu donnes ta main, tu te fais caresser. Il y a des mecs qui touchent tes doigts, tranquille. Il gagne. Il pète ma CB. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Le mec, il vient et le triple. Skyrock, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un, il me pète ma CB. Mais c'est quoi, c'est un signe? Ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire couche-toi au sol. Je sais pas. Putain, mystique. Bon, en tout cas, tu es content pour elle, non, tout va bien. Je suis content. L'album, il est bien, il est. Franchement, il est lourd. Est-ce que vous pourrez refaire un album Team BS? Je sais pas, ça dépend. On verra, on en pour parler. Mais pas tout de suite. Non, mais ça, évidemment, ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, toi, il y a déjà tu bosses sur le tien. Je suis sur mon album. Cindy, elle est en train de sortir un album. Sultan, il est chez lui. Laoni, il est en train de sortir un album. Non, il est au Portugal, Sultan. Oui, c'est vrai, ouais. Il est parti à Lisbonne. Est-ce qu'ils sont ensemble hein. Non, lui, il a bien dit. Non, t'as vu, je l'ai eu tout à l'heure. Près de lui, du côté de Sultan. Dès qu'il est en bruit, il dit Sultan, il a la nuit. Non, il est au Portugal, ok. Je dis, il est chez lui. Arrête de dire qu'il est chez lui, il est à Lisbonne. C'est un menteur, Sultan. La dernière fois, la vie de moi, il a dit, il était au Maroc. J'ai vu un snap, il était à Barbès, s'il te plaît. Mais c'est la même chose. Il se met au milieu des Arabes, il dit, ouais, gros, là, je suis à Marrakech, je te rappelle. Et là, il est parti dans le 9-4. Ouais, c'est à Marrakech. Mais t'es au téléphone, t'es en face de moi. Il est parti à Champigny. Des fois, il est au foyer de Montreuil. Il dit le Sénégal, c'est un menteur. Il fait des vaccins quand même. Non, mais tu sais pourquoi je pense à des fois, parce qu'il est pas là. Non mais des fois, dis-lui qu'il arrête de faire des snaps devant l'arrêt de bus et des trucs. Putain, on est dans le disque de Rectim BS. Mais là, le business ça fait. On transmettra d'ailleurs. Dans un instant, on va revenir aussi. Il y aura du live, Sienna, tu nous feras du live aussi. Yes. Tu es venu avec quoi? Un petit inédit? Ouais, un petit freestyle, comme d'habitude. Excuse-moi, je ramasse. C'est d'être galant et je ramasse ta veste qui est tombée. Wally, toi, t'es venu avec rien? Moi, je suis venu, tu sais, avec mon post-livre. Avec ton post-livre que tu mettras sur la table tout à l'heure avant la fin de l'émission. Ouais. Et bougez pas, on revient nous. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau ce soir? Attends, j'ai la petite. Des risques. Ouais, des risques. Tu veux nous dire un mot sur des risques? Ouais, je vais vous dire un mot sur des risques. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un titre qui va surprendre certaines personnes parce que j'ai déjà fait une écoute avec les fans et même avec mes proches. Et à chaque fois, on me dit, oh, je t'attendais pas du tout là-dessus. Donc, bon. Voilà, j'ai voulu prouver que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on sait pas faire des choses. Et j'ai pas envie d'aller plus loin tout de suite, on en discutera après. N'hésitez pas à tweeter sur hashtag Cindy sur Skyrock. N'oubliez pas le concours de selfie avec le snap de Skyrock. Et demain l'album sort, et il faut l'acheter. C'est vrai, c'est demain, les sorties sont désormais le vendredi. Exactement, ouais, mondial, pour tout le monde. Ouais, Fababi, la prochaine fois que tu sortiras, ce sera un vendredi, s'il y en a pareil. Espérons que ça me porte chance, je fais partie des premiers, donc... C'est pas la première? Ouais. Mais c'est qui a décidé ça? C'est le ministre décédé. C'est lui. Non, c'est les Moi, je vais sortir un Illuminati. C'est Illuminati. Il faut pas, quand on sait pas. On peut pas en parler. C'est Illuminati, on peut pas en parler. Donc ça sort désormais le vendredi. C'est sur lundi. C'est ça. C'est pas vous qui commandez. Tu sortiras tout seul. C'est sûr, c'est tout seul avec mon CD vendredi. Tu sortiras avec ta bagnole, tu mettras les CD dedans. Tu iras le lundi où tu veux. Tranquille. Bon, bougez pas, on revient juste après ça. Cindy, son Planète Rap, hashtag c'est Cindy sur Skyrock. Et le retour du son, c'est juste après. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cindy pendant une heure complète ce soir. Planète Rap, Cindy. Cindy est là toute la semaine jusqu'à... Pendant une heure complète. Moins les pubs. Moins les 18 minutes de pub toutes les 30 secondes sur Skyrock. Cindy, notre invitée entre 20 et 21 et l'album qui sort donc demain. On fêtera ça demain soir. Hein. C'est ça. Entre demain 20 soir. Et 21. Mais demain soir d'ailleurs, je reste très longtemps chez toi, enfin chez vous, à Skyrock, puisqu'après je vais chez Diffoul. Ouais, t'es avec Sultan, t'es avec Cindy, t'es toute la Team BS, quoi, c'est ça. Demain, c'est... Tout le monde on reforme la Team BS demain soir. C'est ça. Sultan, il vient demain? Non. Il est au Portugal, je te dis. Mais comment tu sais? Mais parce qu'il l'a annoncé. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit quand il est venu en début de semaine. Ah, en plus, il m'a dit, ouais, je t'ai écouté Planète Rap et tout. Une espèce de mytho, bah. T'as rien écouté du tout, en fait. Ouais, c'est vrai. Baby. Non, mais quand j'ai insultant, je mets pas. Mais il était pas là tous les soirs, il est venu un soir seulement. Non, ouais, j'ai cru, là, il est venu tout le temps, c'est un squatter, lui. Une fois, je l'ai fait venir chez moi, après, il est revenu, wesh. Ouais. Et depuis? Il a fait des doubles de clés et tout. Et depuis, t'as changé, t'as déménagé. Mais déjà, lui, il dort pas avec la Marie sur le clic-clac ou quoi, un truc bizarre. Non, on lui demandera tout à l'heure, on lui demandera tout à l'heure. Donc, il y a Fababi, vous l'entendez, qui est là avec nous. Oui, Walidia oui. Et. Walidia. Et j'ai même envie de dire, et surtout Sienna. Et surtout Sienna. Et d'abord Sienna. Bon. Normalement, tu devais commencer par les femmes, ouais. Ensuite tu finis. Vas-y, tu vas me donner des leçons de correction. Il va t'apprendre ton métier, en fait. Ouais. Il va me donner des leçons de correction, en fait. Donc, bon, voilà. Ne bougez pas, dans un instant, il y a un live qui se prépare. Juste avant, on avait promis un titre inédit. Oui, titre inédit. Donc, je vous envoie des risques, comme je l'avais prévu. Je vous laisse l'écouter, j'en ai parlé donc, tout à l'heure. Donc, morceau, tu nous as dit, c'est morceau. Un morceau le plus urbain de mon album. Le plus urbain de ton album. Et qui surprend les gens en général. Les autres sont un peu plus campagnards. Les autres sont un peu plus. J'ai entendu celui-là. Et voilà, bah c'est parti pour des risques. Hashtag Cindy sur Skyrock. Et l'album sort demain. Selfie, you know. Pour conduire, j'oublie pas de remercier ceux qui ont toujours. C'est l'album disponible demain, on n'oublie pas. Hashtag Cindy sur Skyrock. J'ai la foi, j'ai de l'ambition. Crois-moi, je connais ma mission. Pas besoin de ta permission. Je ne suis plus une gamine. Je me bats pour sortir du lot. Je tire les miens toujours vers le haut. Je fais ça bien seul ou en duo. Je suis toujours dans le speed. J'oublie pas de remercier, scier le ciel pour ce qu'il me donne. Je sais ce que je vaux sans m'afficher, ficher. Pas besoin d'en faire des tonnes. Des risques, j'suis prête à en prendre, à me battre pour gagner. J'esquive les coups qu'on me donne, j'peux les rendre et me lâcher. Des risques, j'suis prête à en prendre, à me battre pour gagner. J'esquive les coups qu'on me donne, j'peux les rendre et me lâcher. J'oublie pas de remercier, scier ceux qui ont toujours cru en moi. J'suis prête à me sacrifier, fier pour le goût de la achète-le ou tu vas perdre un proche dans ta famille. Il a dit achète-le ou tu vas avoir un mort dans ta famille. Tu vas perdre un proche, ouais. Hey, on fait de la promo comme les Américains, donc on n'a pas le temps. Il est bizarre, il est bizarre cet humoriste. Achète-le, tu vas perdre ton chat. La punchline était bonne quand même. Mais oui, t'as rigolé. C'est trop tard. Non mais en tout cas, des risques. On parlait de son urbain là. Limite de la trappe là. Oui, c'est une grande fan de trappe. Tu crois quoi? Il n'y a pas de. Un Sienna. C'est pas. Franchement, j'aime on bien. On est parti trap quoi. Il est lourd. Tu rigoles ou quoi? Ah non, ça va de la dire, on va faire Cindy Crawford, frère. Nous, il n'y a pas de. Et tout. Ah non, mais Cindy, on sent que c'est vénère d'un seul coup quoi. Bah, c'est-à-dire que là. Moment, il... Non, bah, elle est dedans, elle est dedans. C'est justement ce dont parlait Favavi, genre un certain tempérament et ça, je m'en suis servi pour ce morceau. Même pour répondre à tous les détracteurs, parce que quand t'as 17 ans, que tu commences à faire de la musique, c'est pas bien vu. Et les critiques pleuvent, et voilà, c'est par ce son-là que j'aurais répondu, parce que les gens parlent, mais est-ce qu'ils l'auraient fait? Donc voilà. Mais c'est fou ça. À 17 ans, t'as pas le droit de faire de la musique. Non. C'est fou, hein. Faut quoi? Faut avoir 18 mais ans. Mais tu t'en fous, t'es disque d'or, t'as 17 ans, t'es disque d'or, au bout d'un voilà. moment, ça va. Eh hey, fuck les rageux, on va foutre. Faut maintenant, j'en ai 20. Faut arrêter d'ailleurs là-dessus, s'il vous plaît. J'aurais c'est pas vrai. 17 ans toute c'est ma vrai. Vie, ça fait 3 ans qu'on me dit. Enfin voilà. Elle a le droit de faire de la musique maintenant. C'est vrai. C'est même bon, maintenant, c'est autorisé. Tu mets le droit de sortir un album. Ce que tu veux. Vendre de la drogue, tu peux. Ça, c'est la prochaine étape. Ouais, et pareil, le son, j'ai fait aussi pour remercier justement les gens qui sont là depuis un moment et qui continuent à me suivre et que je vois. Et j'en embrasse une d'ailleurs qui n'est pas là ce soir, c'est Miss Fouini qui a eu un petit souci et qui est venue toute la semaine, qui viendra peut-être demain. Je te fais de gros bisous, soigne-toi bien. Je vais réussir à parler demain aussi. Et voilà, des bisous. Miss Fouini, c'est le nouveau nom de la Fouine. C'est bizarre. T'appelles le... La Fouine est en trans. Miss Fouini. Le Planète Rap continue, vous l'entendez ce soir. Il y a Sienna qui est à nos côtés. Il y a Manu et un monsieur message, Wally Dia qui est là aussi. Il y a qui t'a envoyé un message? Il y a Manon, c'est une copine à moi. Ah bah Manon, salut Manon. Bah, bravo Kiki. Ah, il y a ma mère, elle a envoyé un message aussi. Bravo, elle m'a dit rentre chez toi vite. Dépêche-toi. Sinon ça va mal se passer. C'est conneries de. Kiki, c'est ton petit surnom? Oui, non mais tout le monde m'appelle comme ça. Mais bref, c'est ridicule, donc on va arrêter tout de suite. Kiki. Et voilà. Kiki. Kiki. Kiki. C'est pas c'est clair ce truc. Regardez mon beau dessin. C'est toi qui décides. Parce que les gens, en fait, c'est une radio ici, donc les gens, on peut le voir. Ah, d'ailleurs, t'entends même plus. Il faut que tu tapotes derrière. Attends, oui, il y a une. Non, derrière, c'est pour. Voilà, tu tapotes un coup. Allô, voilà. Ah, c'est bon. Non, mais c'est... dit allô, tu sais. Je connais maintenant, je connais toute la maison, il faut que tu tapotes pour que ça marche, c'est normal. Ah, donc c'est Sophia qui m'a fait un dessin. Eh bah bravo Sophia, magnifique dessin qu'on peut mater sur le Skyrock FM, Ali, puisque voilà, les images sont retransmises. Ouais, moi j'ai pas internet, frère. En simultané, en direct et en passant par satellite. Moi je suis sur Itinéris, mon gars. Et je vous propose d'accueillir Marocco 26 tout de suite par téléphone. Oh. Salut Marocco. Ouais, ça va Fred ou quoi? Ça va et toi Marocco? Ça va tranquille. Bon, tu l'entends, Cindy, il y a Fababi, il y a Siana qui est là avec nous, il y a Wally qui est là, Walidia. Ah, si, si, si. Marocco, si, t'es marocain ou quoi? Non. Ah ouais, mais non, il est suédois. Hein. Question bête. Marocco, tu es prêt à rapper? C'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Je suis prêt. Ah, c'est Acapella, bah, encore mieux. Ouais. Yo, Roronto Black Blanc Beurre, ça fait. Fais-le, M, tu me reconnais. 2-6. Yo. En direct de Skyrock, bande de bâtards, on veut peser comme les Qatars. Découper le 4K, minimum 24 carats. De 0 à 5, on veut du bif et pas de caillasse. T'as pas l'âge de parler mal, bâtard, reste à l'écart. Vite, eh. Tu parles de calage, fais du rap prévu, c'est classique. Sick, ils se mettent à rapper comme on joue au ping-pong. Le flow est saccadé, rap, trap, fusil. J'lasse moins de punch que de pièces dans les poches d'un schlag. Yeah, musique, fin, je vois le monde rater les virages. Fuck the world, je ne vis pas le temps, un peu comme Jack Bauer. Le rap, mon passe-temps, devenu my lover. T'as pas de lover, autant tu es Manpower. Là, j'en ai pas d'odeur, les pâtes au beurre n'ont pas de goût. Tout part, c'est la merde, les ouvriers n'ont pas de sous. Vous parlez mal, allez, je vais tout rafaler. Le rap est à la mode, y'a plus de respect. Sous le régime de Hollande, cousin, on fait qu'encaisser. Je rappe pour les familles qui sont dans la merde. Pour nos frères africains, morts dans la mer. La rage est sanguine et pas dentaire, fais pas dans la dentelle. Fier de nos terres et de nos mères et de nos pères. Le nerf de la guerre, les couilles à Tyson. Je fais des rimes humanitaires solo comme Nicky Larson. Je vais péter les portes, on est hors catégorie, anaphore et allégorie mélangée dans mes textes. Sky dans les veines, rap dans les gènes. Et ne sur les côtes, j'attaque, clique, qu'on les baise. Ouais. Oh! Wouh! Ça, je crois que c'était un clash. Mais t'es énervé? T'es un texte plein de gros mots quand même, hein? On a rien fait, nous, hein? Envers Wally. Envers Wally, je crois que ça. T'es énervé, le mec t'a clashé direct. Ah, direct. Ouais. Mais il m'a dit whisky, attention! Attention! Attention, le whisky, tu conduis pas après. Bravo à toi, Marocco. Oh bah big up à vous. Je voulais placer une big dédicace à tous les Valentinois qui me supportent, tous les gars de Bourg. À Black Mafia, à mon crew BDK Crew, à tous ceux qui me soutiennent. Aïe. Et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Marocco 26 et sur Twitter, Instagram et sur Snapchat Marocco BDK Crew. Et bah Terry, merci à toi Marocco. Merci à vous. Et à très bientôt. Ciao, passe une bonne soirée. Avant de passer au live, nous avons une petite surprise puisque Fababi est venu avec un morceau. Oui. Un morceau qui s'appelle Ma Petite. Oui. Non mais attends, non, la vraie question. Elle est en train de tirer. C'est Walid. Bizarre, elle est... Walid, Siana, Cindy. Est-ce que Walid, tu es prêt? Walid. Attends. Tu m'as appelé Walid, je suis pas de cette communauté. Non mais crache ça tout de suite. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, c'est chaud. Adapte-toi. Donc alors attention. Non Fred, est-ce que non pour de vrai. Est-ce que t'es prêt? Avec le morceau? Non, t'as vu, t'as pas répondu à ma question. Ah oui, je suis prêt. Mais je suis prêt. Même si t'es prêt, t'es pas prêt. Ah non, on va, c'est parti. Et là, t'as fait une vandame, tu veux pas comprendre. Le son, je suis pas prêt. Ma petite, premier single. Alors attention, ma petite. Premier single de mon album qui s'appelle Podium. Lourd, moi j'aime bien le nom. Podium. Bah oui, tu l'avais pas annoncé encore le nom. Non. On vient de le découvrir à l'instant, donc Podium. Exactement. Mais ça, c'est le premier. Sans Claude François dedans. Ouais, parce que si c'est des audiences à la Claude François, ça va être. Non, mais comme ça, c'est la seule que personne l'a dit. Les gens vont peut-être pas l'acheter. Donc le morceau. Non, l'album va s'appeler Podium. L'album va Il sort quand avant fin 2015 ou... Avant fin 2015. Avant fin 2015. Ouais. Il sortira un vendredi. Une grosse dédicace à mon Gava, Kies, manager à Gradure. Ouais. Je lui ai dit passe. Kies des Bosquets. Passe. Dédicace au Bosquet, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Noisy-Grand. You know. Non, je rigole. Donc découvrons maintenant ce morceau. Est-ce que tout le monde est prêt? Et réagissez au morceau sur le hashtag Cindy sur Skyrock. Voilà. Mais Fred, est-ce que t'es prêt? Non. T'es sûr? Je suis pas prêt. Vas-y, tube de l'été, you know. Ma petite, l'album s'appellera Podium. J'aime bien le début déjà. Selfie, vous êtes prêts ou pas? You know. Maman est malade, son fils est pas là. Triste à banane, je veux savoir ce qu'elle pense de moi. Mais rien qu'elle danse pour moi. Chabine, vini, rien n'est fini. Ne sois pas timide, ta mère fait que m'appeler. Je crois qu'elle sait que je passe en télé. J'sais que ma musique vaut de l'or et camine entre nous. Elle me guette dans le carré, vivait dans sa zone, tout sur la vis. J'sais que l'alcool basse de l'or et qu'elle s'amuse dans le bando. Elle rêvait du prince charmant, mais elle a eu que des amants. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur dit ça. Ma petite, oh ma petite, et j'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite. petite, oh ma petite, j'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite, j'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite, j'ai dit ma petite, oh ma petite. Ah, on est des voisines de route. Selfie vendredi dans les bacs, you know. J'ai dit ma petite, oh ma petite. Elle est Mimi Cooper Mini. Elle vient vers minuit dès qu'elle demande une cigarette. Tous les garçons perdent la tête. Dans son solo, pas d'embolo. Elle bouge sur du coffee holo. Elle est folle et puis à table. Elle est montée sur la table. Je sais que le DJ l'aime au cou. Et que le videur est dans le cou. Elle garde une place de parking pour la voiture de ses copines. Elle est assise au fond de la salle. Elle va dans le Blue Crystal. Elle s'en fout des footballeurs. L'argent n'achète pas son cœur. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur dit ça. Ma petite, et j'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite, et j'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite, et j'ai dit ma petite. Vendredi dans les bacs. Va te chercher, on ira te chercher, you know. Ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite. J'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite. J'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite, oh ma petite. J'ai dit ma petite, oh ma petite. Ma petite. Et j'ai dit ma petite. Et j'ai dit ma. Et j'ai dit ma petite. Non, je vais pas faire le tube de trop. Non, je vais pas faire le tube de trop. Ah. On est des voisines de route, pas baby. On est des voisines de route, pas baby. On est des voisines de route, pas baby. On t'avait dit qu'on allait revenir encore. Team B, you know. You know, pas baby. You know, baby. Baby. On est des voisines de Skyrock. Yeah, malgré tout, on n'était pas prêt. Bravo à l'instant. Ouais, ma petite, ma petite, ça c'est la version extended. J'adore, explicite. Je viens d'un autre, on va le ramasser. ma petite. Ah, très bien. Très bien. Non, lourd. Donc c'est le premier extrait de Podium. L'album s'appelle Podium. Et ça arrive avant fin 2015 pour Fababy. Merci, regarde. Surprise. Regarde les gens, Ils ont de la Zumba. Maître Pims. C'est du lourd, le son déchire de Fan Baby. Oui, c'est son nouveau nom. Fan Baby. Fan Bombi. Il est au top, le son. J'adore ma petite de Fababy. Voilà, c'est du lourd. You know. Pour l'instant, c'est unanime. Hein. Non, bravo. C'est un son de sorcier. Ma petite à l'instant sur Skyrock. On va passer au live si vous voulez bien. Yes. On attaque par Christiana en prums. Honneur aux dames. Après, on fait moi, je vais vous interpréter Aïe Aïe Aïe du coup. Aïe Aïe Aïe. Parfait. Aïe, aïe, aïe. Et après, on finira avec Fababy et avec Wally. C'est parti. Ouais, on fait ça. Ouais. Allez, c'est parti. Il a préparé un petit truc apparemment. Yeah. Allez, Siana, go. Yes. 1. Siana. G. Go. Où ça? 1. Selfie dans les bacs demain. G. Où ça? 1. Yo, oh, on est à l'ou quoi? Yeah. Grosse dédicace à Cindy, une fois de plus. 1. What's up? Check. Let's go. Check. 1. On les laisse derrière, on les a dépassés. Je paye pas de mine, mon avenir est tracé. Mouille le maillot pour ne pas être à sec. Tu nous vois sur ta route, faut nous laisser passer. On débarque, j'ai la mêlée dans mon équipe, dans le dos. Je laisse beaucoup d'MC dans le doute. Mental à la Django, ma négue, c'est comme ça que ça se passe dans le you know. Ok, je suis lancé, ça y est, je suis dans les stars. Non, je fais pas partie des stars, je suis plutôt discrète, donc je reste à l'écart. Ça te regarde pas, dis-moi pourquoi les pas. Ça s'embrouille pour un simple regard. Carte sur table, ils attendent ton flop pour te retrouver à la case départ. Augmente les volumes, fais ronronner les basses. En ce moment, je suis off parce que tout le monde m'agace. Demande à mon gagasse, on a déjà mis les gaz. Quand le succès, l'espace, on est déjà dans l'espace. Toujours bien sapé, première de la classe. Y'a que dans un parking que t'auras ma place. Mes côtés rapés te provoquent de l'asthme. Mais beaucoup plus raté, mais après ça me lasse. Toujours en tête du peloton, même avec les mains menottées. Le flow carré comme Louis Vuitton. On garde notre froc, on est culotté. On est culotté. Flow Bugs Bunny, j'ai tout carotté. Tu peux pas monter, tu peux pas noter. Garde un talent, tu n'es pas doté. suis dans les packs demain, va chercher. La Lou, petite est chaude vraiment. Elle est bien avec son chat. Ma petite, ma petite. Ma petite, oh, ma petite. Trop loin. On peut faire du bruit pour Sienna à l'instant en live. Toujours terrible, Sienna. Hein. C'est ouf. Quelle kickeuse, Sienna. Kickeuse comme charmant. Je le kiffe, t'es trop merci. Fort. Ça ah ouais. me fait plaisir d'être là. Continue vraiment, vraiment. Continue. Ah bah nous, ça merci fait plaisir beaucoup. Chaque fois que tu viens, froisse le micro. Ah moi, j'étais merci. À côté, elle m'a cassé le couille. Wally commence à se transpirer en disant putain, et moi qui voulais jouer au con en faisant un freestyle. Mais moi, je défonce tout le monde. Ok, moi, ok, ok. Okay. Oh, dans un instant. Oh, j'ai peur, moi. Je suis pas crédible comme ça, c'est ça le problème. Cindy, maintenant un petit peu de douceur. Ouais, bah ouais, mais du coup, c'est... je me sens presque. Ah bah, c'est un autre genre. Non, c'est un autre genre. C'est un autre genre, c'est autre chose. Non, c'est plus mignon. On est ensemble. Ouais. Et bon, on y va maintenant. Je vous envoie aïe aïe aïe, comme vous m'avez demandé. Ouh. Selfie demain disponible le 10 juillet. Avec elle main dans la main, tu te promènes sans complexe. Et quand tu croises mon chemin, tu la lâches comme un réflexe. Chérie, je vais tout t'expliquer. T'as toujours une bonne excuse, ouais. Tu serais même prêt à pleurer pour ne pas que je t'accuse. Pas la peine de crier, tu t'es fait griller. T'as voulu jouer, mais je suis plus fort que toi. Aïe, aïe, aïe, tu les voulais toutes. Au final, tu cours, mais y'a plus personne. Aïe, aïe, aïe, je n'ai plus de doute. Il n'est plus question que je te pardonne. Bye, bye, bye, c'est chacun sa route. Ce n'est plus la peine que tu me klaxonnes. Bye, bye, bye, ton cœur je le shoot. Tu crois que j'ai mal, mais je pète la forme. Tu m'as sorti le grand jeu. Tu me promets que tu m'aimes. Me mentir droit dans les yeux, pour toi c'est pas un problème. À combien de pauvres filles t'as déjà tapé le vice. Quand je te parle, tu te défiles. T'esquives le feu d'artifice. Ouh, pas la peine de crier, tu t'es fait griller. T'as voulu jouer, mais je suis plus fort que toi. Aïe, aïe, aïe, tu les voulais toutes. Au final, tu cours, mais y'a plus personne. Aïe, aïe, aïe, je n'ai plus de doute. Il n'est plus question que je te pardonne. Bye, bye, bye, c'est chacun sa route. Ce n'est plus la peine que tu me klaxonnes. Bye, bye, bye, ton cœur je le shoot. Tu crois que j'ai mal, mais je pète la forme. Tu veux des femmes par milliers, pas la peine de le nier. Des gars sans te faire prier, je t'ai déjà zappé, zappé. À toi je peux pas me fier, pas la peine de me défier. Ne me fera pas plier. Je t'ai déjà zappé, zappé. Aïe, aïe, aïe, tu les voulais toutes. Au final tu cours, mais y'a plus personne. Aïe, aïe, aïe, je n'ai plus de doute. Il n'est plus question que je te pardonne. Bye, bye, bye, c'est chacun sa route. Ce n'est plus la peine que tu me klaxonnes. Bye, bye, bye, ton cœur je le shoot. Tu crois que j'ai mal, mais je pète la forme. Aïe, aïe, aïe, tu les voulais toutes. Au final tu cours, mais y'a plus personne. Aïe, aïe, aïe, je n'ai plus de doute. Il n'est plus question que je te pardonne. Bye, bye, bye, c'est chacun sa route. Ce n'est plus la peine que tu me klaxonnes. Bye, bye, bye, ton cœur je le shoot. Tu crois que j'ai mal, mais je pète la forme. À l'instant, aïe, aïe, aïe. Un morceau que vous retrouverez sur l'album de Cindy demain dans les bacs. Et je parle au garçon, on veut voir. Il est lourd. Des bêtises comme ça. Aïe, aïe, aïe, à l'instant sur Skyrock. Quand tu te fais griller, comment t'as chaud. Aïe, aïe, aïe. Tu sais que j'ai aïe, beaucoup aïe, de filles qui m'ont tweeté, je l'ai envoyé à mon ex. Du coup, ça fait plaisir. Je suis contente. Voilà. On continue le live. Yes. Wally. Ouais, moi je peux pas faire un truc de violon, tu vois. Remets-moi l'instru de Sienna, mais je vais te faire du rap gentil. Ah, tu veux l'instru de Sienna? Ouais, mets-moi du. Attends, il faut l'instru de Sienna. Ouais, l'instru de Sienna, mais je vais attention, faire. Attention, parce qu'elle a découpé l'instru. Ouais, ouais, mais moi je suis un mec tigeant, là, tu vois. Moi je fais du rap de gentil, tu vois. C'est une fille de bonne famille. C'est une fille bien élevée qui ramène pas de problème à la maison. Donc on va faire du rap, mais gentil. Allez, balance ton 8 et demi. Vas-y. Ok. Ouh. Tu connais ces rappeurs qui commencent jamais. Ok, ouais. Dédicace à ma mère. Il faut ça. Boulangerie. Je ramènerai du pain, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ok. Rap gentil. suis gentil, je suis poli, je laisse ma place dans le bus aux mamies. J'ai fait tout ce que mes parents m'ont dit, j'étais jamais collé le mercredi. Je me lève pas de table sans demander. Quand t'es ternu, je te dis à tes souhaits. Y'a la queue à la caisse du supermarché. T'as pas beaucoup d'articles, je te laisse passer. Quand je fume une chiche, à je tousse. Je dors jamais sans mon nounours. Je peux appeler les pompiers juste pour une écharpe dans le pouce. Avec ma meuf, je fais le canard. J'ai pas le droit de rentrer tard. J'ai effacé tous les numéros de meuf de mon répertoire. Quand elle m'engueule, moi je bégaye. Je fais le ménage et même la vaisselle. On sait que c'est moi la femme dans le couple. De toute façon, tout le monde croit que tu gagnes. Mais il est idiot ce mec là. Siana, Il est chaud. Ah, il est chaud aussi, Wally. Hein. Il est chaud. Ouais, il est chaud. Ça va, bravo. De ménagère. On finit avec Fababy. C'était ouf, merci. Dernier live. Vas-y. Allez, on balance l'instru. C'était lourd avec Wally à l'instant. Siana, Cindy. Selfie. Fababy. You know. Babe. Donne-nous ça. Podium. On n'est pas prêt. Le faible a l'habitude de critiquer ce que le fort fait. Mon est disque d'or et toi, ta SACEM. Elle peut te payer un forfait. You know. Selfie. Let's go. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. Hier j'étais avec une petite chabine de Greeny. Avec Winnie, elle me demande si c'est fini. Pousse-moi, pousse, tu veux connaître mes limites. Je suis pour la paix, mais mes calibres vont finir. Je fais que rapper nos vies. J'ai rien fait d'autant par changer de mélodie. Chabine, je suis ton amant. J'ai que des bêtes, j'ai des dettes. Je dois du pont de l'alliance. You know, l'argent pensait qu'à ça. Grosse barbe, grosse voix, mais c'était pas cassable. You know, mes gars sont encore sous Togolal. Je suis dans la violence gratuite, pas dans le bénévolat. You know, c'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. Comme tu billets, je suis que de passage comme tes règles. Le mariage dans tes rêves. Carré vip, je suis célèbre. T'es belle comme la lune, je suis chaud comme le soleil. Moi le 930 Pékin, je rappe pas pour les timales qui pensent qu'ils sont pas africains. You know, Kerit l'a dit en punchline, je suis très fort. On s'en fout de participer, nous on veut gagner au score. Je te le répète qu'un jour on va l'allumer. Si ton gars nous parle mal, je te jure qu'un va l'allumer. Si elle kenne pas, pourquoi vient notre bleuta? Dis à Tony qui se manie, on doit aller fumer sauf ça. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. You know, vendredi dans les packs selfie. Oh, à l'instant en live. Il fallait pas chier cher. Oh. On peut faire du bruit pour Fababy à l'instant en live. Yeah. On a eu des lives de qualité quand même. Moi je savais très bien qu'il savait chanter Fab. Ouais. Franchement, depuis longtemps on en discutait et je suis grave contente que tu sois dans ce registre là. Ouais, c'est Cindy qui m'a engrainé. C'est vrai. Elle m'a dit tu sais chanter, chante un truc. Je crois que c'est vrai en plus, c'était en Corse. Ouais. On avait bien discuté et ouais. Tu devrais chanter. Hein. Et tu t'es mis à chanter. Mais merci. Chanter. Franchement, tu verras normalement. Enfin, tu. Limite, j'ai envie de te dire, je suis fier de toi en fait. Wow. Merci. Franchement, non, c'est lourd ce que tu fais. C'est pour ça que j'aime Cindy et pas Sultan, tu vois. Ouais. Sultan aurait dit, ah, ouais, frère, vite ouais, fait. Ouais, ouais, vite fait, frère, vite fait. Ça vient avec vraiment du lourd. C'est vraiment très lourd et merci. Et merci en tout cas d'être passé. Merci à vous tous. Merci Siana d'être passée. Merci à Cindy une fois de plus. On peut applaudir Siana qu'on retrouve en tournée là. C'est quoi les prochaines dates franco? Ouais, les franco ce week-end. Après, il y a le Fnac Live à Paris. Ah oui, c'est ouais, concert gratos sur le place de l'Hôtel de Ville. Exactement, venez nombreux et voilà, on continue les dates. Et allez voir Siana en concert, c'est. Ouais, elle est très lourde. Vous êtes mais même déjà en live sur Skyrock. Ouais, moi, j'aimerais bien récupérer mon coude. Parce qu'elle m'a cassé le coude. Merci à Wally justement d'être là aussi. Merci, on peut l'applaudir Wally qui était avec nous ce soir et qu'on retrouve. Son live, il était lourd. Le live est lourd. On va le dans les bacs bientôt. J'ai vu des messages de Major arriver, je pense que le mec. Tu vas signer. Signez-moi, les gars. Je pense que ça va être signé très rapidement. C'est que le bordel. Non, moi, c'est banlieue propre. Et Wally, à la rentrée, c'est ça au théâtre, hein? Ouais, à la rentrée au théâtre, on révise après. Banlieue propre, moi, on lave les trottoirs et tout. Fababy aussi à la rentrée, en tout cas avant fin 2015, la sortie de Podium. Exactement. Nouvel album avec le premier extrait qu'on a pu écouter tout à l'heure, une grosse tuerie, le morceau Ma Petite. Très très lourd. Très, très ah, lourd. Ma Petite, j'aime bien moi. J'aime. Ma Petite. Bon, celui-là, je vais l'acheter, je vais pas le télécharger. Je te dis la vérité. Et c'est Noirmente. Juste avant de se retrouver demain, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre Black M et Big Freoli aux arènes de Bayonne. Plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Daouia de Marseille, comment ça va? Oui, ça va et toi? Eh ben, en pleine forme. Une grosse soirée encore dans le Planète Rap de Cindy. Et toi qui viens conclure, on fait tourner la roulette, c'est parti? Oui. Dès que tu veux, tu dis stop. Allez, dis stop! Stop! Mais c'est mais c'est ta voix, Daouia. Il a toute la journée, lui, c'est sûr. Et Daouia, c'est vraiment ta voix quand tu fais stop? Non, il y a ma soeur qui a crié. Il y a mon père. Il a crié. Non, c'est une meuf. C'est une meuf qui a crié. C'est sa soeur. C'est comme un mec qui doit de l'argent. Ah, mais vous, quand ça gueule à la maison, on vous entend. C'était pas un cri de femme, tu vois. C'était un cri de supporter parisien, ça. Un cri de bête, d'animal. C'est ça. L'enfant, là, est un animal. Et Daouia, tu vas aller voir Big Flo et Oli le 23 juillet, Black M le 24 juillet, et des places pour aller voir Prof 2 au cinéma La Totale. Et Chantal Goya en septembre. Ah, et t'as aussi gagné le droit de l'émission. Accompagné par Walidia. En première partie. C'est moi le panda. C'est moi dans le panda. Il est pas là, il est parti. On te fait des bisous, Daouia. Bisous. Vas-y, vas-y. Non. Ben, je fais une grande dédicace à mes soeurs qui m'écoutent dans la chambre, à mon oncle soeur et à ma mère. Elles sont à côté de toi, y'a pas besoin. C'est pas grave, oui, y'a besoin. Elle comprend rien, celle-là. On te fait un bisou, Daouia, à toute la famille. Ciao, bisous, ciao. Merci à vous tous, Yana, merci Wally, merci Fababi. Donc voilà, que ça y est, J-1, l'album sort demain. Je suis super contente. Ouais, dans quelques heures, parce qu'il sera disponible à partir de ce soir sur J-3h maintenant. Et oh mon dieu. Et voilà, je suis super contente de vous le présenter. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Une question pour toi, Cindy, c'est bon. Laisse-moi elle parler. Écoute ma question. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te fait de sortir un premier album? Voilà, c'est la question qu'on m'a posée pendant un depuis non, un an. Non, mais moi, j'aimerais bien que tu me le dises. Bah, je te le dis. Parce qu'on a fait un comme an j'étais ensemble, en train de le dire. C'est ce qu'elle disait, Fababi, en fait. Ouais. Comme je disais, je suis super contente. Je suis très fière. Et Attends, j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait de sortir un premier album? C'est bien ou quoi? Je sais pas. Franchement, non, vraiment, je suis très contente de vous présenter. Toujours plus, t'sais. Et voilà, merci beaucoup et allez le chercher demain et, ou après-demain, mais vraiment allez-y parce que les allez-y. Oh. Allez-y. Toujours allez-y, positif. C'est bon. Il y aura un décès dans votre famille comme la dit. Merci sinon, beaucoup vraiment pour le soutien, la team Cindy qui est très présente depuis le début de la semaine et même la team de tous les artistes qui viennent me rejoindre et merci beaucoup et demain, je pense qu'à 16h, j'irai chercher mon album et on a pensé aller vers la Fnac des Champs. Voilà. Donc si grosso on se croise modo, c'est rencard voilà. Demain 16h, on a déjà la Fnac. C'est possible. Ouais. Voilà, merci. Venez à 16h la Fnac des Champs. Merci les gars, tous. La Fnac des Champs, il y aura des meufs demain. Aïe. Ouais. Merci à vous tous, on va retrouver Diffoul et toute l'équipe de la Radio Libre qui est là. Ça fait quoi de sortir un premier album alors? C'est bien. Diffoul, ça va ou quoi? Ça va et toi? Cool. Bon, bien, vous aussi, ça va. T'as dit quoi tout à l'heure sur Marie? Qu'est-ce que ça dit comme connerie? Le clic-clac de Sultan. Je m'éteins, c'est un truc de ouf. T'as vu, t'as balancé direct. C'est vrai, je suis titi, ce mec-là. Il parlait du clic-clac. Mais du coup, sur le mari. Il parlait de ça. Ça se voit que t'étais délégué. Et t'étais pas les mecs, quand ils redoublaient, tu les enfonçais. Non, mais c'est vrai qu'il parle de saloperie, c'est normal. T'as dit une saloperie sur ma pote. La Marie, tu connais, c'est la famille, on est ensemble, y'a rien. Ouais, ouais, tu viens ensemble, des trucs bizarres avec ta famille. Ouais, attention. Tu viens du Nord, Fababi, attention. Il a dit, on est ensemble, t'aimerais bien te retrouver avec elle, hein. Non merci. Oh, très bien. Ça va dans les deux sens. Dis-vous, les bam. Bravo la Marie. Marie, attention. Bah, attends. La Marie, elle sera exultante. Ah, ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Non, t'as voulu dormir sur son clic-clac. Ah, mais bien sûr, ouais, mais à mort. Non, t'as dormi par terre. Ah, tu sais ce qu'il y a des échanges. Moi, j'en apprends tous les jours. Non, il m'a dragué, effectivement. T'as voulu dormir avec lui, mais comme ça bouchait plus et qu'il faisait le ramadan, t'as dit non, laisse tomber. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr, c'est mon style, Fabibi. C'est ça que je voulais dire. On va attendre 10h du soir et après tout. Diffoul, oui. N'oublie pas de préciser ce soir que l'album de Cindy sort demain. Demain dans les bacs. Je compte t'inquiète. Sur toi. Tu le dis au moins 10 fois. Et moi, je viens vous voir demain. Et bah, demain. Ça t'engage. Cindy, tu le dis 10 fois au moins, ou sinon je ramène tous les mecs du 9-3 à ta radio. Pas de problème. Ils viendront on tous sur les plans. Ils viendront tous. C'est ça. Merci à vous en tout cas, Cindy. Dis-le demain au moins 10 fois. Le rendez-vous, c'est à partir de 20h pour demain soir, la grande journée. C'est pour toi, Cindy. Demain soir, gros Planète Rap, pas louper. Demain, à partir de 20h, je serai sur Skyrock, toujours le même hashtag. Profitez bien. Très contente. Merci beaucoup de m'accueillir demain. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut, Cindy. Bisous. Bisous tout le monde. Bisous. À demain. Et demain, Selfie sort, allez l'acheter, vraiment, il faut. Oui, nous, tout de suite, on arrive. Restez bien dans le coin, il faut aussi. 41759, Skyrock.fm, et les applis, et le 01 53 40 30 20, vous les passez dans l'émission. Eh bien, allez-y, vous pouvez dire n'importe quoi, comme dans Planète Rap, c'est pareil. Ah, bah ça, c'est ça, pareil. Romano. Et c'est jusqu'à minuit, c'est la Radio Libre. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Et à tout de suite, Radio Libre, ça démarre. Tout l'été sur Skyrock, découvre.